La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler avec le demi-offensif des Gaillards de Jonquière, Jordan Fortin. Les Gaillards qui vont affronter en demi-finale du Bol d'Or, le Collège d'Antique, la même équipe qu'ils ont gagné l'an passé au Bol d'Or. On va parler avec le demi Jordan Fortin de Dolbeau-Mistassini. Salut Jordan! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Jordan, comment t'entrevois ça, cette demi-finale-là contre Antique? C'est une équipe que vous ne voyez pas en saison régulière. Par contre, vous avez une petite expérience avec eux au Bol d'Or l'an passé. Oui, c'est certain qu'on a une expérience avec eux l'année passée, mais il ne faut pas oublier que c'est pas la même équipe l'année passée non plus. Fait que, on est dans l'inconnu en ce moment. Okay. Pour faire beaucoup de bandes vidéo puis faire le plus qu'on peut pour se préparer contre ce match-là parce que ça va être un gros match. Okay. C'est la meilleure boîte défensive qu'on va affronter cette année probablement. OK. Est-ce que de la manière que vous avez vu les vidéos, ça ressemble à quoi? C'est une équipe qui ressemble à quoi? C'est une équipe qui s'ajuste pas beaucoup, qui aime dans le fond, ils arrêtent souvent de jouer au sol à 6 gars dans la boîte. OK. Puis ils laissent beaucoup de gars en protection contre la passe. OK. Puis ils ont des super bons athlètes. OK. Est-ce que t'as alterné cette année avec Alafou encore, le français? Oui, oui, encore une fois, mais cette année, moi, chanceux dans ma saison. J'ai eu deux blessures, puis une suspension d'un match. OK. Moins joué cette année. OK. Donc, t'as moins joué. Mais là, est-ce que t'es prêt pour cette finale-là? Hein, pardon? Est-ce que tu es prêt pour la demi-finale? Ouais, je suis prêt. Je me suis reposé. Je suis prêt. Okay. Je ne serai pas de plus près que ça. Là, tu es à ta dernière année avec les Gaillards, semble-t-il? Oui, monsieur. Il va se passer quoi l'an prochain avec toi? Est-ce que tu t'en vas à l'université? Est-ce que tu t'en vas travailler avec ton père? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? En ce moment, j'hésite à te poursuivre à l'université. Mon domaine d'études là, en génie électrique. OK. Ou peut-être le marché du travail pour l'instant, mais je pense que ça s'enlignerait plus pour continuer à l'université. Là, puis, OK. Probablement que j'arrêterais de jouer au football. Là. J'ai fait mon temps. OK. Ça te tente plus? Concentré sur mes études. C'est-tu quelque chose qui va te manquer? C'est certain que ça va me manquer, mais tu sais, c'est beaucoup prenant, puis ça a un impact sur les études, là. Ouais. Je vous cacherai pas que la session, pendant qu'on joue au foot, les résultats sont plus bas que quand on joue pas. Mm. Puis là, il faut que tu aies des bons résultats si tu veux rester dans l'équipe aussi. Ouais, c'est ça. OK. Faut passer les cours, puis si tu passes pas tes cours, tu peux pas jouer. OK, OK. Jordan, donc en fin de semaine, le match doit être à Jonquière, c'est ça? Le match est à Jonquière à 1h. Donc, c'est un avantage? Oui, c'est un avantage. Pas sa route à maison. OK. Le fait d'avoir la foule avec vous autres aussi? Oui, on va coucher dans notre lit. Est-ce que tu trouves que l'équipe est aussi motivée que l'an passé? Pour le bol d'or? La motivation est plus ou moins la même. Là. Ça dépend des points de vue. Là. Okay. On est encore soudé comme équipe, là, tout le monde est ami avec tout le monde, là, puis il n'y a pas de petits clics là, trop. Là. Mais côté motivation, c'est sûr que l'année passée, on avait peut-être plus de motivation parce qu'on venait de le perdre l'année d'avant. T'sais. Ouais. Fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de motivation cette année que l'année passée, mais quand même une bonne motivation, puis on y passera en haut. OK, OK. Ben Jordan, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le match d'en fin de semaine contre Antique. On va parler avec François Laberge demain. Fait que, au plaisir de se reparler. Puis bonne chance si tu décides d'aller aux études à l'université. Merci, monsieur. Le porteur de ballon de l'équipe des Gaillards de Jonquière, Jordan.